le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Paladin niveau 66. Archimage. Ok. Vous allez continuer à jouer toutes les semaines depuis 15 années. Around my face, I got them skinny girls staring at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. 'Cause when you're not there, you know I can't wait. Ain't the first time I caught you out again. You spent your time in a little cubicle. Cubicle. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Et oui, mesdames et messieurs, après une semaine de repos, nous voilà de retour à CKIA pour une autre émission de Puissance Maximale. Et je suis en compagnie de monsieur Andrew Castegan. Comment ça va, Andrew? Ça va très bien. Je suis en train de finir de configurer mes choses. Et oui, et là, on a une grosse émission encore cette semaine et on a un collaborateur de l'émission avec nous, monsieur Éric Lajeunesse en studio. Comment ça va, Éric? Ça va super bien. Puis là, on va parler cette semaine, messieurs, entre autres, de jeux. On va parler d'annonces obscures et de bière. Parce qu'on vous rappelle, mesdames et messieurs, qu'il y a une nouvelle chronique à Puissance Maximale qui s'appelle la chronique d'accord, mais en fait, bière et jeux. Donc, nous allons goûter une bière tantôt. C'est comme vin et fromage. C'est ça, sauf mais que là, c'est bière et gamepad. Et voilà, il va falloir trouver quel bon jeu ira avec la bière de la semaine. Et en fait, du mois et ce mois-ci, nous testerons la très épique. Le sang d'encre, une stout épique. C'est ça qui est marqué sur l'étiquette de la microbrasserie Le Trou du Diable qui se trouve, si je me rappelle bien, à Shawinigan. Et oui, j'avais bien raison. Donc, on parle d'une bière noire au nez de café, de chocolat et de houblon herbacé. Donc, on va goûter ça dans les prochaines minutes, pendant la prochaine chanson. Mais aussi, on va pas juste vous parler d'alcool, mais on va vous parler évidemment de jeux, parce que vous êtes quand même à Puissance Maximale. On va vous parler entre autres de Tomb Raider, version PC, que moi et Eric sommes en train de jouer présentement. Moi, il est installé, mais... T'as pas eu le temps de jouer? Non. Mais tu vas pouvoir nous poser des questions, Andrew, sur plein de choses. Et Andrew, tu vas nous parler, mais on va discuter d'un sujet mystérieux et franchement très intéressant. Une rumeur... Une annonce, quelque chose qui flotte dans les airs en attendant le 3 qui s'en vient la semaine prochaine. Une annonce de Sega. Oui, Sega Spectrum, qu'on sait pas c'est quoi. Vraiment pas, on n'a aucune idée ce qui est. On a cherché. On a vraiment beaucoup cherché. Vraiment beaucoup. Puis habituellement, il y a tout le temps un peu de fuite au niveau des nouvelles dans l'industrie. Là, il n'y a rien. Une semaine du E3. Ben, à part l'image. À part l'image. Ben, le logo, en fait. En bref, on va en parler. Qui ressemble à un logo d'imprimante. On va en parler un peu plus tard dans l'émission. Ouais, c'est bon, quand même. Et on vous rappelle rapidement, avant de commencer tout ça, que Puissance Maximale, c'est un site internet, www.puissancemaximale.com. Vous pouvez aller écouter nos anciennes émissions, écouter des podcasts, des entrevues et lire nos nouvelles. On vous rappelle aussi qu'il y a une page Facebook. Vous tapez Puissance Maximale dans la barre de recherche. Vous allez nous trouver très facilement. Comme ça, allez appuyer sur le petit bouton j'aime parce qu'on vous aime, mesdames et messieurs, mais aussi, surtout pour avoir le sujet de nos émissions à l'avance, avoir les nouvelles justement quand on met ça en ligne. Et bien évidemment, on vous rappelle que jusqu'au mois de juillet, on a encore notre financement Indiegogo qui est en route. Là, on se réduit, là. On a stagné, là. On a donné un objectif, là. Pour l'instant, on n'est pas encore dans le 4 chiffres. Vraiment pas. Mais écoutez, on peut comprendre ça, mais Évidemment, on vous encourage à faire un don. On vous rappelle que c'est pour aider Puissance Maximale à continuer en version 2.0. En plus, vous pouvez pas dire qu'on travaille pas pour vous autres. Là. En plus, on a une belle année 2013. Là. New York Comic Con, Con Bravo, entrevue avec Brental Floss. J'ai animé, comme à notre habitude, qui va être dans le programme. Peut-être Otakuton. Et oui, puis on va vous parler aussi d'autres événements qui s'en viennent. Donc, évidemment, c'est pour nous aider. Si un jour vous voulez qu'on couvre le 3 là-bas, ça nous prendrait de l'argent. On dit ça de même. On dit ça parce qu'on rappelle aussi qu'on fait toute cette émission-là de façon bénévole. Donc, on est bien content parce qu'on fait ce qu'on aime. Mais et si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, entre autres pour la refonte du site Internet qui coûte quand même assez cher et aussi pour de l'achat, pour du matériel justement pour être en mode itinérance. Et je rappelle en même temps que c'est vraiment pour l'émission Puissance Maximale. C'est pas des fonds pour la station. C'est KIA qui est déjà en train de préparer son radioton pour le mois d'octobre, évidemment auquel Puissance Maximale va participer. Et c'est pas pour nous payer de la bière non plus. Non, ça, c'est de notre poche, de nos salaires bien mérités qu'on fait ça, puis on fait ça pour vous, parce qu'on veut que vous buviez de la bonne bière, mesdames et messieurs. Et tant que vous avez l'âge légal. Oui, tout à fait. Et tout ça étant dit, nous allons aller avec la première chanson, M. Castagan, qui s'appelle « La maladie du préjugé », qui est la dernière chanson du nouvel album de Mon Serge. C'est un spécial Mon Serge côté musique aujourd'hui, parce que, comme je viens de dire, Mon Serge a sorti un nouvel album il y a deux semaines qui s'appelle « Mon Serge, pourquoi joues-tu du rock'n'roll ?» Et on vous envoie ça dans vos oreilles à Puissance Maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. La maladie du préjugé ronge notre monde où triomphe le mensonge. On exclut trop de gens dont la faute est de ne pas être comme les autres. Prenez par exemple les homophobes. Ils ne peuvent pas sortir du garde-robe. Un coming out et tout est foutu. On les boude, on les fuit, on les hue. Il y a aussi des batteurs de femmes. On les blâme comme si c'était un drame. Qu'ils ne soient pas de parfaits hommes roses. Et qu'ils causent de petites échymoses. Et encore, il y a les proxénètes. Vous devriez voir comme on les traite. Bien qu'ils donnent tous les jours de l'ouvrage à des femmes menacées de chômage. Même les nazis sont stigmatisés. Dès qu'on voit qu'ils portent la croix gammée, on refuse d'ouvrir le dialogue, particulièrement dans les synagogues. Les amis néophiles ont la frosse. La police est toujours à leur trousse. Pourtant leur façon de se faire du fun, au fond ça ne fait mal à personne. Mais les plus mal vus sont les pédos. Tout le monde grimpe dans les rideaux, simplement parce qu'ils aiment les enfants. Différemment de nos grands-mamans. Moi là, je m'ouvre à la différence. Une ronde, nous y ferons entrer tout le monde, y compris Luca Rocco Magnota, Cloutier et Carla Homolka, par Jésus a créé les humains, pour qu'ils se donnent tous la main. Alors ouvrons nos cœurs à l'amour, et nous vivrons heureux pour toujours. La, la, la, la, la, la, la. Bonjour, c'est Esteban des Cités d'Or. Vous écoutez Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale, messieurs, santé, parce qu'on va commencer par parler alcool et jeux, mesdames et messieurs. Donc, nous sommes en train de goûter la très, en tout cas, selon moi, là, après quelques gorgées, la très excellente Sang d'encre de la microbrasserie Trou du Diable de Shawinigan, une stout épique, comme ils aiment l'appeler. Donc, moi, j'adore l'étiquette, en passant, avec un kraken, et bref, sur une... C'est ça, c'est sur une thématique de marin. Hein? D'ailleurs, je salue le Kraken. Ouais, d'ailleurs, salut au Kraken, aussi surnommé l'homme du Nord, qui est parfois à l'écoute. Et donc, on parle d'une stout à 5,5% d'alcool. C'est pas habituellement, on a des stouts plus fortes que ça, mais quand même. Écoutez, je vais prendre vos impressions, messieurs, monsieur Eric, qui est en train de regarder la robe. Et Eric, d'ailleurs, qui est un de... C'est quasiment l'équivalent du vignoble. C'est le sommelier de bière. C'est ça, il sent, il regarde la couleur, il shake. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une coupe de vin. Non, c'est parce que c'est quand même intéressant de voir la mousse colle-tu sur le verre. C'est-tu transparent comme de l'eau de vaisselle, cette histoire-là? Non, c'est super bon. Comme je disais pendant la toune, là, un bon nez de chocolat. On goûte le café en arrière-plan. Mm-hmm. La Guinness a du chemin à faire là, pour... Ben, faut dire que la Guinness, c'est une institution, c'est bon. C'est ça, mais côté start, on peut aller facilement ailleurs. Effectivement, là, la start québécoise, on a plusieurs représentantes de la start justement au Québec, puis on a vraiment rien à envier aux Irlandais et à leur Guinness qui est très bonne, mais quand même. Ben malgré qu'en Irlande, ils ont peut-être des stouts moins commerciales qui laissent pas leur place non plus. Tout à fait. Les microbrasseries, c'est sûrement pas typiquement uniquement québécois. J'imagine bien. J'essaie d'identifier le petit arrière-goût qu'elle laisse en descendant. Le petit arôme. J'arrive pas à l'amertume mettre dessus. L'amertume est pas trop mal. La première gorgée est plus... Ben, évidemment, c'est une stout, puis on n'avait rien pris avant, donc on arrive directement dans l'amertume. Parlez pour vous autres. Alors, ça, c'est vrai. Eric nous attendait. Eric, OK, rien pris avant, effectivement. Non, c'est ça. Ouais, mais c'est ça. J'ai bu un café. C'est pas si mal. Ouais, effectivement, habituellement, moi, les stouts, j'aime bien ça, sauf que... J'en bois pas beaucoup, justement, à cause de souvent l'amertume. Quand ça attaque trop, moi, ça m'arrête. Mais sans farce, je suis très, très agréablement surpris de voir que ça se bouge. C'est pas une stout qui cogne trop aussi. Là. Si je peux faire un parallèle, là, la Davy Jones du Corsair. Moi, chaque fois que je prends une Davy Jones au Corsair, elle me cogne. Mais t'es pas dans le point de vue alcool, là, dans le point de vue l'eau. Agave, oui. T'es agave. Tandis que celle-là, je serais capable d'en prendre. Moi, quand même, on parle quand même d'une bière à 5,5. Donc, pas trop lourde, justement. Ça se boit, mieux et plus rapidement qu'une grosse stout, des fois, qu'on peut trouver ailleurs. Mais là, messieurs, on vient de parler de bière. D'ailleurs, là, on peut vous confirmer qu'on l'aime tous, cette bière-là. Mais là, avec une stout légère comme ça, chocolatée, quel genre de jeu vous vient en tête, là? Parce que des fois, si on y va, une stout qui va être plus lourde, là, on va peut-être tendance à moins jouer longtemps, vu que ça nous cogne un peu plus, là. Mais avec ça, tu t'attendrais à quoi, toi, Monsieur Castegan? Ben, tu vas trouver ça niaiseux, mais je n'aimerais pas un jeu particulièrement, mais je vais nommer un style. C'est que cette bière-là me laisse un léger goût réconfortant. On s'entend-tu? Je la bois, puis je trouve qu'elle descend bien, puis elle a un petit goût réconfortant que le chocolat, ou dans mon cas, qui est un bon consommateur de café, tu as une bonne gorgée de café, là. Mais je te dirais, là, qu'un jeu un peu comme Amnesia, là, tu sais, qui était un peu stressant, ça me calmerait une bière comme ça. Ah, je trouve que ça se marierait bien. Jeu style horreur, effectivement. Ouais. Pour aller dans le... Tu sais, quand tu as eu une grosse frousse, là, puis tu as le goût d'avoir un colleux de ta mère, là, tu prends une petite gorgée de cette bière-là. Là. Mais effectivement, dans le même genre de jeu, je vais aller avec un vieux classique, et ça va y aller avec le thème 100. Vampire the Masquerade Bloodlines, quand même un classique du jeu PC. Ouais. Un jeu ultra, ultra buggy, mais quand même, malgré ça, qu'il y a une grosse base de fans. Tu sais, quand t'as le goût de casser ton clavier à cause qu'il y a buggy, dans le fond? Ouais, ça, puis aussi du fait que... Ben, en fait, il y a plusieurs updates de jeux-là qui sont disponibles sur Internet, sauf que c'est des updates qui ont été faites par les fans, parce que le jeu, quand il est sorti, Activision a quand même assez rapidement arrêté le support, parce qu'ils l'ont sorti, c'était très attendu, puis ils l'ont sorti beaucoup trop rapidement, ça qu'il y a des bugs graphiques, il y a des bugs de jeu, ça en est assez, mais c'est tellement le meilleur jeu qu'ils ont sorti sur cette franchise-là, ils en ont sorti deux, mais c'est tellement... Ils ont tellement visé juste, et en plus d'être un jeu d'action qui était basé sur le moteur d'Half-Life 2, parce qu'on peut basculer en première personne faire du tir, c'est vraiment un jeu... Il y a des bouts horreur, il y a des bouts de... On fait vraiment des sauts. Il y a un bout, entre autres, dans une maison hantée où il y a un fantôme, là, où moi, ce bout-là, je jouais pas de son. parce que ça me foutait vraiment la chienne quand j'étais plus jeune. C'était vraiment très réussi. C'est qu'effectivement, dans ce genre de jeu-là, l'ascendant se marierait très bien à ce niveau-là. Toi, Eric, est-ce que tu as une idée de ton côté? Ben moi, comme je vous expliquais tantôt, j'ai fait des recherches dans la même database avec Saint Ancre. Puis j'ai pas trouvé grand-chose à part la série Sengoku, qui est un beat'em up d'arcade. Correct, mais sans plus. J'ai fini ça avec des bons vieux shooters verticaux. Ah ben oui, pourquoi pas. Ça a fait la job. Ben effectivement, ça peut aussi se marier à ça. Puis là, évidemment, dans le Kraken et dans la thématique marin, on peut toujours penser, on pourra peut-être l'appliquer à Assassin's Creed Black Flag quand ça va sortir. Mais au petit chapitre naval là, dans Assassin's Creed 3, où on va combattre les méchants anglais sur leurs bateaux et autres pirates sur les mers américaines. Donc, ce petit bout-là, on pourrait s'ouvrir. Quand on est dans un blitz bateau, là, cette bière-là se prendrait très bien parce que quand même, il y a beaucoup de stouts qui sont meilleures température pièce. Oui. Mais elle, on l'a sortie du frigo il n'y a pas longtemps. Elle est fraîche, elle est très, très bonne et très goûteuse aussi. Donc, en fait, moi, j'aurais pas peur, moi, de boire ça, un 23 juin ou un 24 juin, lors de la fête nationale. J'aurais aucun problème à boire ça, mm-hmm. tant qu'il y aurait une glacière, par exemple, parce que elle doit... déjà qu'elle est très goûteuse, froide, ouais, température pièce, là, elle doit se déployer, comme on dit. Pour pas, une Guinness tiède, ça passe, mais ça, tiède, ça passe pas. Non, ça, j'ai bien l'impression que... Beaucoup trop fort. Ouais, effectivement, là, les goûts vont être trop importants, puis on va être gavé, mais pas au niveau de l'estomac, mais le goût va être saturé pour... il va falloir tomber à Corona après, et personne ne veut tomber dans la Corona. Ah, non, c'est pas vrai. Ça, puis à Coors Light, on repart ça. La Coors Light Iced Tea. Ah, ça, il y a des, tu sais, on parle de blasphème là, dans les églises, on parle de blasphème dans les discos. Le blasphème côté bière, ça. Coors Light Iced Tea. Là, il y a la, en parlant de bière fruitée, il y a la Shandy là, de Rickards qui est sortie. Là. Moi, je suis un gars curieux au niveau bière. Donc... Ben, moi, j'y ai goûté. Et puis, qu'est-ce que t'en penses? Je te dirais, t'en prends une. Elle n'est pas mauvaise. C'est une bière de terrasse. Dans le cas, exemple, il fait chaud, là, mais elle est sucrée. Elle est très sucrée, là, parce que c'est une bière à limonade, là, on s'entend. Ouais. Fait que t'es, plus mais... ou moins qu'une Smirnoff Ice. J'aime pas Smirnoff Ice. Non, mais la question n'est pas savoir si t'aimes ça, c'est un comparatif. Mais j'ai jamais bu une bouteille au complet de Smirnoff Ice. Je suis pas capable. Fait que... Si tu compares avec une Tornade, par exemple. Ah, c'est moins sucré qu'une Tornade, définitivement. Ah, ben c'est déjà, mais, déjà bon. Mais déjà j'ai bon. Goûté déjà la Coors Light Iced Tea, puis la Rickards Shandy, puis je dirais que la Rickards Shandy est vraiment supérieure à la Coors Light Iced Tea par simple principe que t'es Rickards a quand même, pour une bière commerciale, a quand même une certaine qualité en frais de goût en bouche pour les différents types de bières. Là. Oh, moi, oui. Personnellement, j'aime bien la Dark de Rickards, malgré qu'il n'y a pas grand monde qui l'aime. La Dark fait job. En fait, qui est un porter, il faut le rappeler, là, c'est... petite différence à faire, mais et une excellente porter, effectivement. Non, c'est ça. Mais t'es comme la Shandy, tu reconnais le petit goût, dans le fond, là, que les Rickards ont. Je dirais que le petit goût bière se rapproche de la Rickards blanche, qui est déjà une bière aux agrumes un peu. Fait que t'es, dans le fond, prends ça, puis dilue-la un peu avec de la limonade. Là. T'es comme, exemple, la limonade qu'il y a dans les bidons verts, là, exemple, là, dans les couche-tards. Là. T'es, c'est... des impines vertes, là, t'as jamais goûté? La limonade, c'est le test. Eh oui. Oui, c'est ça. Bon, ben, t'es. Une chance qu'il mélange avec de la bière, parce que ça, c'est pas fameux. Non, mais t'es dilué avec un peu de bière, là, t'es. Puis t'es pas à l'état pur, là, mais t'es, ça a un goût de limonade prononcé, mais après ça, il y a un arrière-goût qu'on reconnaît de. Dans le fond, de la Rickards blanche, là, dans le fond. Là. D'accord. Bon, ben, on n'a pas besoin d'y goûter, celle-là. C'est bon. Merci beaucoup, Andrew, pour cette parenthèse bière d'été. Donc, ben là, on a pas mal fait le tour. Donc, on vous parlait de la Sans d'encre, une stout épique à 5,5% d'alcool. Mais, de sinon, la microbrasserie Trou du Diable de Shawinigan. Oui, monsieur Andrew. Sinon, n'importe quel jeu épique. Ouais, ben, tout à fait, là, si vous voulez aller avec... Tu sais, si on se fie littéralement à l'étiquette, là... N'importe quel jeu, vous avez besoin de taper sur du monde en grande quantité. On pourra parler, mettons, de Dynasty Warrior. Ça pourrait aussi bien marcher, tu sais. Non, c'est pas épique, Dynasty Warrior. Oui, là. Mais pas dans le même sens. Dynasty Warrior, c'est épique, mais j'essaierais peut-être plus d'aller vers... Épique, grandiose, hein? God of War 3. Ouais, God of War se marierait bien avec celle-là. Effectivement. Mais Dynasty Warrior, j'aurais plus été avec une bière plus pas une Sapporo, mais t'es dans les familles de vraiment bière orientale, là. Parce mais t'es, sans forcément que ce soit une stout, là, une régulière. Une bière, là. Une petite. Mais peut-être plus fort d'alcool. Une petite Tanaka gingembre. Ouais, justement des. Là, je cherche le nom là, du corsaire, on l'a nommé tantôt, qui vous retrouvez en canette chez vos très bons vendeurs de bière. C'est toujours une bonne possibilité aussi dans le jeu. Mais bref, merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette. On en parlera quand on va y goûter. Oui, parce qu'on va y goûter. On, c'est sûr qu'on va amener une bière. On y a déjà goûté, mais c'est. C'est pas si grave si on y regoute. C'est ça. Donc, on vous parlait, comme je disais, de la sang d'encre du Tour du Diable microbrassé de Shawinigan. Et on vous associait ça avec quelques jeux. Vous aurez juste à réécouter l'émission dans Palado pour que vous avoir un petit topo encore une fois. Donc, on va continuer en musique, M. Castellan, avant de passer à une autre chronique. Et on va y aller avec la campagne de Mon Oncle Serge. Encore une fois, autre chanson de son dernier album, Mon Oncle Serge. Pourquoi joues-tu du rock'n'roll? Et vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CK IAFM 88.3 à Québec. Le soleil d'Ardon tirait de la rafale de Marc Lépine. Mais enfin la nuit tombe comme tombe la lame d'une guillotine. La vermine infeste mes murs moisis qui tombent en lambeaux. Je suis descendu ici comme un mort dans son tombeau. Et dans un nuage de maringouins qui bourdonne avec hargne, je vais vous chanter ma misère à campagne. Jour et nuit, les arbres font blocus autour de ma maison. Ils obstruent ma fenêtre comme les barreaux d'une prison. Une nuit, les rabbits des crapauds arrachent à mon sommeil. Ça m'écœure, on croirait entendre mes long qui rembouille, ou un tapon de gros plein de soupe qui starterait un gang-bang chaque fois que la nuit tombe sur la campagne. Des fois pour voir des femmes, je descends au village le plus proche. Je me risque, c'est rond tout décrissé, où les gauchos roulent croche. Arrive au dep à l'épicerie, la femme rurale est là. Sa peau est jaune, son rire est gros, son âme sent le tabac. Toute sa vie, elle moisit là, au milieu des montagnes. Le fumier grouillant de mouches de la campagne. Mes feux avec, mais c'est pas grave si les engelures paralysent mes doigts. Ça va me donner une défaite pour pas crisser quoi que ce soit. En attendant que le printemps revienne comme un boomerang, c'est crapoutir d'un dent de la campagne. Et je rêve aux silhouettes des buildings noyés dans le smog. Je vois la cohue, les belles femmes et les stands à hot dog. Et mon cœur bat devant tant d'asphalte et de pollution. En usant des robineux, des bottes, du crack et du béton. Au milieu du tumulte, menacé par les gangs, loin des confins bouseux de la campagne. Listening to Sans Maximal. Et oui, de retour à Puissance Maximale après la chanson La Campagne de mon oncle Serge. Et on va y aller, mesdames et messieurs, avec une critique de jeu. Et on va faire ça comme à la bonne franquette, comme d'habitude. Mais là, on va vous parler du jeu Tomb Raider, qui est sorti il y a quand même, je me rappelle pas du mois où est-ce que c'est sorti. Mais c'est quand même, ça fait... Je vais aller faire la recherche. Merci. Donc, ça fait pas si longtemps, mais c'est pas nouveau. Écoutez, Tomb Raider, donc on parle ici d'un reboot de la série. Donc, une série culte pour beaucoup, qu'on avait vu les premiers balbutiements déjà sur des consoles comme la PlayStation 1. Donc, l'histoire de Lara Croft, une archéologue aventurière qui parcourt le monde afin de découvrir trésors secrets de d'autres civilisations. 5 mars 2013. Merci beaucoup, M. Castegan. Et là, on parle d'un reboot. On va vers un, disons, comme on parlait hors d'onde tantôt avec Eric, on va avec un personnage, disons, on sort du... qui est un peu plus cartoon, là, la Lara Croft un peu plus cartoon. On y va vers un côté plus humain. On va vers une Lara Croft qui s'en va vers sa première aventure, donc qui se ramasse... en fait, l'histoire, en gros, c'est elle est sur un bateau avec toute son équipe de recherche et il se dirige vers des îles au large du Japon pour chercher une ancienne civilisation japonaise dirigée par une reine toute puissante qui a eu des pouvoirs surnaturels. Et voilà, en gros, c'est ça. Et elle arrive dans ce coin-là. Il y a une énorme tempête et... leur bateau s'échoue sur l'île et là ils sont pognés là. Et qu'est-ce qu'ils découvrent? À part des trésors et des trésors et d'autres découvertes architecturales, eh bien ils vont trouver des cultistes, donc des hommes qui se dévouent à justement à cette reine-là et qui sont menés par un personnage, bref, un chef de culte. Et évidemment, on dirait que c'est tous des anciens paramilitaires armés jusqu'aux dents. Et Lara devra se défendre et aider ses amis afin de quitter cette île. Donc, en gros, c'est ça. On se retrouve dans un jeu. Là, Eric, comme j'ai dit tantôt, t'es aussi en même temps en train de jouer à ça. Les deux, on joue sur version PC. Ouais. Et on est devant un jeu. On va commencer par l'apparence. Un très beau jeu. Moi, j'ai un système chez nous qui me permet de jouer avec tout dans le tapis, sans problème. Et moi, je suis... le jeu commence, moi, j'étais sur le cul. Oh oui, absolument. Mais l'action est assez... Déjà, au début, ça commence fort. Il y a beaucoup... Ça arrive souvent, justement, j'en montrais justement un bout. Andrew, hier, il était chez nous. Les bouts, justement, assez intenses, où ça glisse, ça saute. Réaction, on est en quick time event. Donc, au début, il faut dire que ça paraît que c'est fait pour la configuration est faite pour console. Pour les commandes, je parle, parce que les quick time event, si on y va que sur le clavier... Des fois, okay, c'est pas parce évident. Que tu joues au clavier, toi. Oui, c'est ça. Toi, t'as ta manette, toi. Oui, moi, je joue avec un bon vieux pad X360. Moi, je pourrais y aller avec... Moi, j'ai un pad de Logitech que j'avais acheté à l'époque avec lequel je pourrais jouer. Mais moi, je... Parce que moi, avec les manettes pour la visée, je suis vraiment une bille. Je suis vraiment pas bon. Okay. Donc, moi, j'y vais clavier-souris. Moi, je vous donne mon impression à clavier-souris. Okay. Ça va très bien, pareil. Numéro 1, ça n'empêche pas... c'est très précis. Ça n'empêche pas de sauter aux bons endroits au bon moment. C'est juste qu'au début, quand on commence avec les quick time events, qu'on sait pas trop quoi faire au début, tant que les premières fois, quand il fallait réagir vite, ben je suis mort. Donc là, j'ai fait « Ah, OK, il va falloir faire ça. » Puis à ça, quand je vois des événements, je me doute un peu de ce qui va se passer. Donc, je suis prêt, je suis plus rapide, puis ça se passe bien. Mais c'est clairement fait pour justement une manette. Donc, si vous avez la possibilité sur PC, allez-y avec votre manette. Si vous êtes à l'aise avec ça, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Mais vous pouvez aller aussi avec clavier-souris sans problème. Précision dans la commande, il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau-là. On peut, avec ce jeu-là, il y a un petit côté RPG, si on veut, dans le sens où on va falloir développer des habiletés tout au long du jeu. Donc, ce sont des habiletés qu'on va développer en gagnant des points d'expérience, soit en ramassant des trucs, en trouvant des reliques, des pages, des journaux. Donc, on y va vraiment du côté archéologue. Quand vous allez tuer quelque chose, en fait, des animaux, vous allez pouvoir les dépecer pour gagner des XP quand vous réussissez des quests, évidemment. Exact, sauf que c'est pas du, disons, du lootage à outrance. Non, c'est ça que j'ai aimé, moi. Écoute, c'est quand même... le jeu est très aidant. Je trouve qu'il donne beaucoup de liberté. Vous n'êtes pas dans un open world, mais quand même des bonnes maps. Il donne de la liberté. Puis justement, vous passerez pas 2 heures à looter partout. Parce que quand vous vous promenez, vous avez un petit mode qui fait le survival. Vous pèsez là-dessus, puis ça fait comme balayer. Puis vous détectez les choses que vous avez besoin d'aller chercher. Puis quand vous les voyez pas dans l'écran, si c'est proche, ils vont se mettre sur votre carte. Directement inspiré de Batman Arkham Asylum. Et voilà, tout à fait, c'est ça. Je me demandais, j'avais déjà vu ça. Puis je me demandais où est-ce que j'avais vu ça. C'est exactement dans le jeu-là. Merci, Eric. Et c'est carrément ça. Donc, ça se met sur votre carte. Vous n'êtes pas obligé de chercher 10 ans la petite coupe magique qui est cachée dans un coffre à quelque part. Vous allez le trouver. La seule fois que vous allez avoir besoin de chercher, c'est comment vous y rendre. Des fois, c'est dans un arbre. Ouais. Fait que, puis c'est pas trop compliqué. Ça se fait bien. On n'est pas toujours. On passe pas des heures à chercher des chemins. Il y a un petit challenge intéressant. Ben, il y a juste toi hier là, qui comprenait pas une affaire de chute. Là. Laquelle, ça? Il y avait une affaire, tu voulais aller chercher, puis là, tu voyais une genre de chute qui glissait avec une paroi où tu pouvais t'accrocher. Ben, en fait, je l'avais compris, c'est juste que j'étais pas assez rapide avec mon pic, parce que avec le pic d'escalade, pour arriver, m'installer, disons, à pogner sur la paroi, puis pouvoir grimper, j'étais juste zéro synchro cette fois-là. Mais tu as trouvé un autre chemin. Oui, effectivement. C'est ça, c'est pas chiant, il y a un bon challenge. Puis c'est... parce que moi, j'ai vraiment été impressionné par la liberté que le jeu nous laisse au niveau, justement, au niveau des choix qu'on a à faire. C'est sûr que c'est très linéaire. Ça reste que vous avez un storyline à suivre. Ouais, liberté, mais en même temps, t'es comme un peu confiné. Tu peux pas t'accrocher puis sauter où tu veux. C'est à la Uncharted. Là. Tu vas où le jeu décide de t'amener. Là. Ça, moi, je trouve ça bien correct comme ça aussi. Là. Ça évite de se perdre pendant des heures. Là. Ouais, ben c'est ça. Des fois, avec ce genre de jeu-là, c'est dans le piège qu'on peut tomber comme développeur de décider d'aller peut-être dans la vague de sandbox ou justement open world puis de tomber dans un jeu qui est un jeu de genre-là d'exploration, là, que ça deviendrait impossible de finir le jeu ou justement de sacrer parce que ça fait deux heures qu'on cherche le Christi trou par où passer. Effectivement, ça, pour ça, c'est vraiment bien fait. En plus des skills, on va développer aussi, on a la possibilité d'améliorer les armes qu'on va ramasser. Donc, vous avez un arc, un pistolet, un shotgun et une mitraillette. Puis là, vous avez ramassé ce qu'on appelle des salvage. Donc, finalement, vraiment du loot, là, de la ferraille, des pièces, n'importe quoi que vous allez ramasser. Vous allez ramasser ça sur les gens. Que vous allez tuer ou directement dans des caisses de stock en vous promenant. Puis avec ça, à travers ça, ça vous sert de... C'est comme la monnaie, si on veut. On paye en salvage pour acheter des updates pour nos armes, pour les améliorer. Et on trouve des parties, des nouvelles parties de nos armes pour les améliorer encore plus. Donc, pour changer un peu le type d'armes qu'on va trouver, pour les rendre plus performantes, en plus des updates qu'on va leur faire. Donc, vous avez quand même ce petit système, si on veut, d'RPG, qui amène un autre côté à juste se promener puis tirer partout. Mm-hmm. Donc, évidemment, Eric en a parlé, on peut faire un parallèle assez rapide avec Uncharted, qui est une grosse série côté PlayStation, qui est une très bonne série d'ailleurs. Moi, c'est dans les jeux que j'ai préférés sur PlayStation. Encore à peu près les mêmes caractéristiques, pas chiant. Il te prend par la main, tu sais, c'est bien correct. C'est ça, c'est mais en même temps, ils prennent par la main, mais pas trop. Ça se passe bien, ça prend pas des heures. En fait, c'est linéaire dans le principe que oui, ils te prennent par la main, mais pas trop, mais c'est à cause qu'en même temps, le map design est bien fait dans le principe que tu sais par où tu t'en vas. C'est ça, exact. Mais c'est tellement bien intégré dans la map que t'as pas l'impression que c'est juste un chemin direct avec des lumières de pas si site le gros. Non, c'est bien intégré. Quand tu te trouves intelligent, même si c'est évident à la base, mais c'est bien pensé, c'est bien intégré. Donc, puis là, c'est ça, en plus, ben là, du côté exploration, vous allez ramasser des systèmes un peu comme dans Uncharted, justement, trouver des pièces d'archéologie, des reliques. Comme... Il y avait une chose que tu avais aimé dans Tomb Raider qu'il n'y a pas dans Uncharted quand tu trouves des reliques. Ouais, c'est quand on a Lara Croft. Qui nous parle, qui nous dit ah, ça date de telle année, ça servait à ça, puis on peut tourner l'item, puis des fois il faut le tourner pour trouver des trucs spéciaux, mais c'est ce que je trouve intéressant, moi je l'écoute, ça part, je fais ouais, intéressant. C'est ce que j'aime, pas juste faire ah, ben t'as trouvé une bague en or. Bon, ok. Ça va débloquer des trucs plus loin dans le jeu, dans le cas de. Dans les deux cas. Mais au moins là, ben, on a de l'info. Moi, je trouve ça intéressant. Surtout qu'on est dans un truc justement avec une archéologue, quelqu'un qui est dans l'académique. Je trouvais ça intéressant quoi, d'avoir ce petit plus-là. Puis les journaux aussi, le fun. On l'entend. Vous pouvez le lire en même temps, mais il y a toujours il y a quelqu'un qui fait la narration. Donc, on a cette possibilité-là. Mais ça me fait penser aux capsules à la fin des Cités d'or. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. C'est un épisode trippant avec une capsule après ça, vraiment. Mais instructive, c'est là, c'est, c'était je... vraiment fondé. Là, ouais. C'est des trucs que je trouve intéressant quand on parle d'histoire dans le monde de la fiction. Exact. C'est quand on nous ramène avec des faits. J'ai parlé, on en parlait à l'époque que Moyen-Dro, on faisait les chroniques Nippon à puissance maximale. J'ai parlé à un moment donné d'un manga qui s'appelle Kenshin le Vagabond, que ben, on avait l'auteur qui avait tout le temps un free talk dans son manga qui expliquait tel événement historique, pourquoi il s'en était inspiré. Puis moi, tout ça, ça m'a amené à m'intéresser à l'histoire du Japon. Donc quand on a des trucs comme ça, on a la possibilité de skipper, encore une fois, une autre des libertés qu'on a dans le jeu. Dans les cinématiques, on est, ça ne nous tente pas de les voir, on les skip. Si on n'est pas obligé de regarder tout ce qui va se passer, on se fait pas chier. C'est ça que j'aime dans le jeu-là. Les trucs qu'on trouve pas intéressants, on peut les skipper sans problème. Donc, le petit côté historique, moi, j'ai bien aimé ça. Comme tu dis, le petit côté, justement, éducatif, pas lourd, là. Non, c'est vraiment ça. Tout thumbs up. Exact. Mais ça m'amène, justement, parlant de cinématique, on en a parlé hors d'onde tantôt, toi et moi, Eric. Cinématique, des belles cinématiques, parce que c'est quand même Square Enix, entre autres, qui a participé à tout ça. On a parlé du visuel qui était carrément dans le jeu, mais tu me parlais de cinématiques trop longues, selon toi? Ah oui, vraiment trop longues. Mais, moi, je les trouve bien, quand même. Mais effectivement, il y en a des bouts que, surtout dans les bouts intenses, où ça court partout, ça tire partout depuis une demi-heure, ah, puis là, tout le monde saute partout, pouf, cinématique, un peu trop longue, là, on décroche un peu, puis quand ça repart, on est comme moins dans le mood. Puis moi, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Récemment, j'ai fini BioShock Infinite, qui est un très bon jeu, un très bon FPS. Excellent. Une histoire malade, là, on contre pas tout ici, on a déjà fait une critique. J'avais déjà fait un clin d'œil aussi à dire que la fin, moi, personnellement, je l'ai pas vu venir. Pas en tout. Non, moi non plus. Pas en tout, 0-0. C'était le fameux coup de 2x4 qui manque au marketing. Là, ouais. Ce jeu-là me l'a donné. Oh, oui, tout à fait. Une fin à la sixième sens. Oh, oui, les gens qui hésitent, là, donc, first. Moi, j'ai un peu décroché parce que, moi, les FPS qui sont trop cartoon un peu, je décroche facilement. J'avoue que ça m'a pris du temps à y aller d'une go, là, de jouer beaucoup. Là, je décrochais souvent, je sais jouer. Puis... Mais le dernier mot que j'ai joué longtemps. Quand je suis arrivé à la fin, j'ai capoté. Donc juste pour la fin, ça vaut la peine, côté BioShock. Mais c'est ça, du côté BioShock, c'est ce qui m'a fait un peu décrocher, c'est le côté trop cartoon un peu. Mais un truc que j'ai trouvé intéressant, j'en ai parlé tantôt avec Tomb Raider, plus humain. Un personnage plus humain au côté de Lara Croft qui commence ses aventures finalement, qui se retrouve à sauter partout, à avoir des amis, à des amis mourir, à être blessé, et vraiment confronté à quelque chose qu'il avait, auquel elle avait jamais été confrontée. On a un personnage humain, on la voit qui se détériore tout au long du jeu. Y a vraiment, les détails sont là au niveau de Tomb Raider. Sans farce, moi, j'ai été très impressionné. C'est peut-être ça qui me déstabilise un peu, comme je te disais tantôt. Hein. Lara Croft, quand ils l'ont introduit, c'était en 96, je pense, déjà. À peu près, ouais. Tu sais, c'était pratiquement la première héroïne de jeu. La grosse, tu sais, le gros kit de boule, un gun dans chaque main, tu sais, c'était une badass. Puis là, tu passes ce jeu-là, à pleurer. Il y a un malaise, il y a quoi qui marche pas, là. Ouais, mais moi, il faut dire que Tomb Raider, les autres jeux, j'y avais pas joué. C'est-à-dire, moi, je rentre directement dans le nouvel univers. Moi, j'ai eu aucun problème. Comme j'ai dit, ça rentre justement dans cette tendance-là, dans les films, dans les séries américaines, avec des personnages de plus en plus humains, plus réels, là, toujours entre guillemets, on reste dans la fiction. Puis là, ici, elle mange une maudite, Lara Croft, elle tombe partout. Mais on est quand même dans un truc plus réel, puis ça, j'ai vraiment adoré ça. Mm-hmm. Je voulais juste confirmer, c'est bien 1996, qui avait déjà édité par Eidos Interactive. Donc, ouais, c'est ça. Merci Andrew pour la précision. Donc, c'est pour ça que j'ai aimé, entre autres, le jeu, c'est qu'on est dans une optique réaliste, là, toujours. Il y a toujours le côté surnaturel, parce qu'il y en a toujours eu. Le côté, justement, ça saute partout. Normalement, elle aurait été coupée en deux à de nombreuses reprises. Mais quand même, justement, dans le sentiment humain, moi, j'ai beaucoup embarqué à cause de ça. Je fais, oh, que là, elle était écœurée, tout ça se voit. Puis, mais j'avoue qu'au début, quand t'es habitué de voir une Lara Croft... à la Angelina Jolie, comme dans les films, que ça part, puis il n'y a pas grand-chose pour l'arrêter, ça peut être assez déstabilisant. Oh oui, ça fait bizarre. Et effectivement, le petit côté réel, le polygon count est très intéressant. Elle est toute en rondeur cette fois-ci. Oui, c'est ça, elle a des vraies courbes, et pas carrées. Mais c'est ça, ça fait... ça, ce que je trouve aussi intéressant, Lara Croft était un fantasme de bien des jeunes garçons à une époque. Mais là, elle est normale, premièrement. Elle n'a pas des seins... démesurés. Ouais, c'est ça. Et c'est, on la voit intelligente, on la sent académique, on la sent présente autrement que par son corps et ses deux guns qu'elle a pas. Là, elle a pas deux pistolets, elle en a un. Donc, en tout cas, pour le moment, là, j'ai pas fini le jeu encore, mais peut-être qu'elle va en avoir deux à un moment donné. Mais bref, une Lara Croft humaine dans un environnement très, très, très dangereux qui, moi-même, me fait peur. À les bouts, on est en hauteur, j'ai vraiment le vertige. On est vraiment... moi, je trouve que le jeu est très... est vraiment immergent. Là, on est dedans là, quand on joue à Tomb Raider. Donc, dis-moi, Mickaël. Oui! Et Eric, combien sur 10 pistolets? Moi, je mettrais un... En fait, excuse-moi, pas des pistolets, 10 reliques Inca voodoo japonais d'une île de cultistes. Écoute, pour moi, je mettrais un 8.5 reliques sur 10 de mon côté. Moi, j'y vois avec un 8. Donc, bref, vous voyez que c'est un achat à faire pour les amateurs du style aventure à la Uncharted. Là, vous allez trouver votre compte et même que... J'ai préféré un peu Tomb Raider. J'ai pas joué au 3 en banqué à d'Uncharted. Non, moi non. Je tarde un peu trop. Il va falloir que je m'y mette prochainement. Mais bref, Tomb Raider, un excellent jeu recommandé par votre humble serviteur et monsieur Eric la jeunesse ici présent. Donc on va passer en musique avant de terminer avec une autre chronique et on va y aller avec une autre chanson de mon oncle Serge, monsieur Castigan. Groupie. Oui, Groupie, qui va une chanson très courte qui rend hommage au Groupie, comme mon oncle Serge dit, s'il n'était pas là, il y aurait beaucoup moins de musique. Et vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Les magasins vendraient bien moins de guitare électrique. Ça va, j'en ai un tapon top 7 pour mon taco. Si on avait appel à l'espace de l'aurait pas un cosmonaute. De bébé pour la vie, c'est de l'amour pour moi et pour mes amis. À la croisade du bord, je chante des chansons. C'est les yeux brillés, c'est si bon à ma vie. Pour faire une indication à l'album ou qu'à se reposer, toi et par sa job. Son sein collé sur ton bras comme c'est chaud. Vive la musique! S'il y avait moins de groupies, il y aurait moins de musique. Elle ferait plus de bruit sous tension pour attirer des spectacles en région. C'est la carotte avancée, c'est sa carotte qui fait qu'on roule sur la 117. Sans peur de poigner des bicyclettes. La groupie! S'il y avait moins de groupies, il y aurait moins de musique. Combien de musiciens n'auraient pas formé de groupe? Et dit que l'on vit sans poignée comme un copain à la vieille. On embrasse sa joue. Et la dernière seconde à 10 jours. Et de la sortie, les trois groupes avec le boulot. Vive la musique! Vive la musique! Vive! Hop, hop, hop! Vous êtes à l'écoute de Puissance Maximale avec Franck Pithiou, invité d'honneur de Géanime 2012. Et oui, de retour à Puissance Maximale, et on va y aller avec cette fameuse annonce de Sega, ce qui s'appelle le Sega Spectrum. En fait, annonce à venir. En fait, annonce dont le monde parle déjà sur les internets. Donc, un truc assez nébuleux, assez spectral, pour faire un mauvais jeu de mots. Et... on n'avait pas grand détail jusqu'à aujourd'hui, mais là, M. Castigan, pendant la chanson, aurait trouvé quelques détails supplémentaires, en tout cas, des trucs qui peuvent se rajouter à cette rumeur-annonce-là. Ouais, ben premièrement, on va dire c'est quoi la rumeur, là? C'est que dans la dernière semaine de mai, approximativement, il y a une image qui a commencé à circuler sur Internet d'un écran blanc avec un genre de logo avec trois losanges de couleurs écrit Spectrum avec la date de mercredi de la semaine prochaine qui est en plein dans le E3 avec le logo de Sega et le slogan A New World of Entertainment. Donc ça a circulé, il y a du monde qui ont dit hey, c'est du fake, mais là ils sont allés s'informer à la source, beaucoup de médias. Ces gars, ils n'ont pas dit non, c'est pas vrai. Ils n'ont pas démenti la nouvelle. C'est ça. Ils l'ont pas démenti, mais ils ne l'ont pas confirmé en tant que tel non plus. Ils ont juste dit on va effectivement annoncer de quoi au E3. Donc, c'est comme ça la rumeur. Là, il y a plein de théories autour de ça. Entre autres, des gens pleins d'espoir comme nous qui pensaient, qui espéraient, parce qu'on savait que ça n'arriverait pas, que Sega allait se relancer dans le hardware, donc dans les machines, dans la console. Ça serait utopique. Ça serait utopique parce qu'on sait, là, on a appris qu'ils ont signé justement un contrat d'exclusivité avec Wii U pour plusieurs jeux. Ben, comme le dernier Sonic Lost World, ça va être une exclusivité de Nintendo, là, dans le fond 3DS et Wii U. Il y a eu un remake HD de Yakuza 1 et 2 qui est prévu aussi pour la Wii U. Altered Beast 3D pour la 3DS. Donc, on a Eric qui est à la content. Hein. Ah oui? Oui. Donc, okay. Ce genre de. T'as pas eu tout le détail parce que t'es. Vas-y, garder quand même un peu de stock pour le E3 et à venir. Un petit crunchy. Mais t'es, il y a eu beaucoup, beaucoup de jeux qui ont été annoncés. Ces gars ont déjà des titres d'annoncés pour la PS4, la Xbox One. T'es, ils ont déjà des titres qui sont déjà garantis sur d'autres consoles. Fait que là, le monde, il dit, ouais, c'est à cause que t'es. Si ces gars annonceraient une nouvelle console au E3, il y aurait quoi comme exclusivité? Il y a aussi le fait qu'il n'y aurait pas eu de fuite avant ça. Et avant de sortir une console, il faut en parler aux développeurs. Puis les développeurs, ben, il y a tout le temps des grandes gueules dans ces studios-là. Là. Puis même chez Sega, il doit en avoir. Là. Donc c'est sûr que ça aurait sorti avant ça. Après ça, ben, il y a eu une autre rumeur comme de quoi que ça serait une toute nouvelle plateforme de téléchargement à l'image de Uplay ou d'origine. Sauf que là, encore là, il y a du monde qui dit « Ouais, mais Sega, ils ont des bonnes parts avec Steam. T'sais, ils ont des bons accords, ils sont capables de faire des bons spéciaux, ils ont une bonne cote sur les ventes sur Steam. » Puis il dit, après ça, il dit « Sega sont pas tant présents que ça sur le PC. » Fait que t'sais, il disait « Ça serait un peu inutile, dans le fond, que ces gars investissent dans des infrastructures de serveurs là, pour le PC. » C'est-à-dire qu'un nouveau mode de cloud serait un nouveau monde de jeu ou une nouvelle expérience révolutionnaire. Il ne faut pas trop en mettre non plus. Là. Donc, ça aurait été douteux que ce soit ça. Exactement. Puis après ça, il y a du monde qui dit « Ouais, mais là, c'est peut-être un système de cloud gaming, un peu comme la... Voyons, la... La voyons, j'ai un blanc sur le nom. Il est là sur PC, le logo, c'est un genre de play, là. C'est. Moi, le cloud gaming, je touche pas à ça, même avec une. Même c'est un peu comme qu'est-ce que Steam veut faire avec la Steam Box, là. À peu près le même principe, là. Tu sais, que vous achetez un jeu à prix modique, mais c'est pas votre ordinateur qui le roule, c'est un serveur quelque part. Et la qualité visuelle, dans le fond, du jeu va dépendre de votre connexion Internet, là. Bref, c'est pour ça que j'haïs ça. Ou encore dans les deux autres théories qui se rentrent un peu dans l'optique de l'utopie. Il y avait eu des images qui avaient circulé sur Internet un moment donné au niveau d'un genre de casque Sega aurait développé qui permettrait d'utiliser les activités cérébrales et le mouvement oculaire pour déplacer des personnages dans des univers virtuels. À ce compte-là, la théorie de la console est beaucoup plus crédible. Fait que là, il y avait eu ça. Sinon, ben, il y a du monde qui disent aussi, ben, c'est tout simplement l'annonce d'une nouvelle machine d'arcade. Mais là, tu sais, ça, c'est comme je parlais avec Eric. Pourquoi annoncer ça au E3? Eric, notre expert arcade. Ben, c'est juste parce que ça serait bien une première fois que je vous verrais une annonce ou une conférence. Tu sais, il y en a des arcades qui sont montrées au E3. Tu sais, il y a des mais il y a jamais de conférence de presse spécialement pour annoncer une arcade. Là, tu sais, c'est. Puis, non, puis si c'était vraiment ça, il ferait pas l'annonce au E3, il ferait l'annonce au Tokyo Game Show, parce qu'en Amérique, puis en fait, partout sauf au Japon, l'arcade, c'est en déclin, ça lève pas. Ça fait des années, parce que c'est ça, les jeunes, à ce temps, ils ont tout ce qu'ils veulent à la maison, puis malheureusement, il n'y a pas d'exclusivité beaucoup arcade, à part les jeux de tir. Puis encore, là, ça change beaucoup. Puis en même temps, les accessoires des maisons deviennent de plus en plus perfectionnés pour avoir de plus en plus l'effet arcade. Tout à fait. Mais sinon, là, j'ai tombé sur un article justement qui est sorti cette semaine d'un site de jeux vidéo européen qui a découvert une autre chose obscurité sur Facebook qui aurait peut-être un lien. En fait, il y a Un doubleur qui s'appelle Curry Marshall, qui est un Américain, que lui, dans le fond, c'est un doubleur, puis les seuls doublages qu'il a fait dans l'univers du jeu vidéo, parce qu'il fait pas juste du jeu vidéo, là, sinon il serait mort depuis longtemps, mais dans l'univers surtout du jeu... fait juste un. C'est ça, dans l'univers du jeu vidéo, il ne fait qu'un personnage, et c'est Ryo Hazuki, qui est le personnage principal de Shenmue. Et sur son Facebook... la semaine passée, il a annoncé qu'il retournait dans les studios d'enregistrement pour travailler dans le domaine du jeu vidéo. Mais il n'a pas nommé de personnage. Mais tout le monde a fait 1+1, c'est cool. Que... Puis il l'a déjà dit en conférence de presse, il s'attache à ses personnages, puis ce personnage-là de jeu vidéo, ça a tellement été beaucoup de travail chez nous en frais de doublage, qu'il refuse tout contrat de doublage de jeu vidéo, à part si ça implique ce personnage-là. Fait qu'on s'entend que, à moins que ça soit pour doubler un DLC de Ryu pour le dernier Sonic and Sega All-Star Racing, là, mais t'es... Ouais. Ça serait un peu... Je vois pas pourquoi il s'en vanterait sur Facebook. Là. Puis là, la dernière théorie qui, à mon opinion, j'avais eu un flash, mais j'avais pas pensé pourquoi qu'il ferait une conférence pour ça. C'est du monde qui dirait que Spectrum serait un nouvel engin un nouvel engin physique et graphique que Sega aurait développé pour des titres et qui ferait l'annonce de ça en parallèle avec Shenmue 3. En fait, t'as pas eu un flash, c'est moi qui t'ai écrit ça cette semaine. Ouais, aussi, là. Mais tu sais, Eric, quand tu m'écris sur Link, le logiciel de discussion, ben, ça flash. Ouais. Donc, t'es... Okay. Ah, c'est bon, ça. Bien récupéré. Bien récupéré. Mais effectivement, ça. Puis en plus, on sait que Sega a des excellentes séries, des excellentes franchises. On parle des Total War. On parle de plein de franchises qui pourraient bénéficier justement d'un nouvel engin, qui pourraient rendre ça encore plus réaliste avec une, tu sais ça, avec une nouvelle physique. Puis le slogan fitterait avec ça. Ouais, peut-être. Mais bref, bref, ce serait comme la théorie qui tient le plus la route dans cette histoire-là. Donc, on vous parlait de Sega Spectrum. On va suivre ça de toute façon, mesdames et messieurs. La semaine prochaine, l'équipe de Puissance Maximale, en plus de son travail pour nourrir ses enfants, mais ses enfants et ses nombreuses femmes, ben, nous allons devoir aussi nous mettre à écouter plein de choses du E3 pour vous faire une émission spéciale E3 la semaine prochaine pour vous tenir au courant des dernières nouvelles et évidemment vous donner nos précieux commentaires chargés de sagesse, bien évidemment. On va vous parler de ça la semaine prochaine. Et là, avant la fin de l'émission, je pense qu'on a le temps d'une dernière chanson. Et cette chanson s'appelle, M. Castegan? Les cochons. Oui, les cochons. Et évidemment, on fait une référence aux policiers. Et c'est M. Mononcle Serge, encore une fois, qui va nous chanter ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Et chauffait en même temps. En ce temps-là, tout le monde faisait ça, y'avait rien de mal là-dedans. Ceux qui t'inquiètent se demandent pas comment rentrer chez eux. La liberté régnait, les hommes étaient heureux. Mais maintenant, tout a changé, l'âge d'or est révolu. Maintenant, les cochons font régner l'angoisse dans nos rues. Et gare à toi, c'est ton malheur de profiter de la vie. Ils suffiront de l'ombre. T'enlever ton permis. Faut pas que les cochons pognent, non. Faut pas que les cochons pognent. La main sur le boulot, le pied sur le champignon. Faut pas que les cochons pognent, non. Faut pas que les cochons pognent. C'est pogne. Allez en prison. Chauffer chaud, c'est confié à Dieu le contrôle du volant. C'est marquer les forces qui travaillent à notre asservissement. Mais le périf n'aime pas que les hommes soient libres. Il les fait marcher au pas, la main sur son gros calibre. C'est le moyen qu'a trouvé cet être borné et fade de se venger de ceux qui très bon malade. Faut pas que les cochons pognent, non. Faut pas que les cochons pognent. De récidive en récidive, je défie l'oppression. Faut pas que les cochons pognent, non. Faut pas que les cochons pognent. Allez en prison. En prison. Et si autant de braves sous l'on font péter la ballonne. Et si les touings emportent les restes de leur minon. Mieux vaut encore payer ce prix que l'homme s'écrasé. Devant la tyrannie de la sobriété. Faut pas que les cochons pognent, non. Faut pas que les cochons pognent. Le canon, on sent que les cuisses, la pédale au fond. Faut pas que les cochons pognent, non. Faut pas que les cochons pognent. C'est pogne, allez en prison. This is Duke Nukem, and you're listening to Puissance Maximale. Shake it, baby. Et oui, de retour à puissance maximale après cette dernière chanson de Mon Oncle Serge aujourd'hui. On vous rappelait que c'est un spécial Mon Oncle Serge à la musique parce qu'il a sorti un album il y a deux semaines qui s'appelle Mon Oncle Serge, pourquoi joues-tu du rock'n'roll? Vous pouvez trouver ça sur son site internet et tous vos bons vendeurs de disques. Je vous encourage, parce que en plus d'être de l'excellente musique, encouragez un des plus grands poètes québécois qu'on a. Et je l'ai toujours dit, un grand fédéraliste également, donc amateur de tonnes politiques. Vous achetez sa discographie et allez le voir en show. C'est tout un numéro, je le recommande à tout le monde. Et c'est déjà la fin de Puissance Maximale, mesdames et messieurs. Je voudrais remercier M. Andrew Castegan à la console. Toujours merci. Un plaisir. Merci Andrew d'avoir été là. Monsieur Éric Lajeunesse qui nous a accompagné aujourd'hui pour notre test de bière et aussi pour avoir parlé de Tomb Raider. Merci beaucoup Éric d'avoir passé l'émission. Ça me fait infiniment plaisir. Excellent. J'aimerais savoir. Oui. Est-ce que je deviens un collaborateur régulier de cette chronique-là? Bien, tout à fait. Tu es invité à toutes les collaborations pour les chroniques bières et même pour d'autres chroniques. Excellent. Bien évidemment, tu es toujours le bienvenu dans les studios de Puissance Maximale. Et mon nom à moi est Mickaël Michaud, votre animateur. Toujours content d'être là à chaque semaine. T'es pas important, toi. Non, pas du tout. Et c'est pour ça que je suis pas important. C'est pour ça que je vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Allez écouter nos anciennes émissions, podcasts et autres entrevues. Allez lire nos nouvelles aussi. Allez sur Facebook, tapez Puissance Maximale dans la barre de recherche. Allez appuyer sur j'aime sur la page Facebook parce qu'on vous aime et en profiter pour faire un petit don sur Indiegogo à Puissance Maximale pour nous aider à continuer avec l'émission. Je rappelle également rapidement que c'est pour Puissance Maximale et non pour la station Sequoia que vous allez faire le don parce que Sequoia se prépare à un énorme radioton en octobre et Puissance Maximale sera de la partie, bien évidemment. Et en terminant, mesdames et messieurs, je fais comme à mon habitude et je vous souhaite une excellente semaine de jeu. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now, Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end. Whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D. Warriors who terrify, it's D&D. Virgins till the day we one, two, three, four, die.